Jérémie chapitre 32. La parole qui fut adressée de par l'Éternel à Jérémie, la 10e année de Sédécia, roi de Juda, qui est l'an 18e de Nebuchadnetsar. Or l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Car Sédécia, roi de Juda, l'avait enfermé, et lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu, en disant, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais livrer cette ville en la main du roi de Babylone, et il la prendra. Et Sédécia, roi de Juda, n'échappera point de la main des Chaldéens, mais il sera certainement livré en la main du roi de Babylone, et lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront les yeux de ce roi. Et il emmènera Sédécia à Babylone, qui demeurera jusqu'à ce que je le visite, dit l'Éternel, si vous combattez contre les Chaldéens, vous ne prospérerez point. » Jérémie donc dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée, en disant, « Voici Hanaméel, fils de Salom, ton oncle, qui vient vers toi, pour te dire, achète-toi mon champ qui est à Anatoth, car tu as le droit de retrait lignagé pour le racheter. » Hanaméel donc, fils de mon oncle, vint à moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et me dit, « Achète, je te prie, mon champ qui est à Anatoth, dans le territoire de Benjamin, car tu as le droit de possession héréditaire et de retrait lignagé, achète-le donc pour toi. » Et je connus alors que c'était la parole de l'Éternel. Ainsi j'achetai le champ de Hanaméel, fils de mon oncle, qui est à Anatoth, et je lui pesai l'argent, qui fut 17 cycles d'argent. Puis j'en écrivis le contrat, et le cachetai, et je pris des témoins, après avoir pesé l'argent dans la balance. Et je pris le contrat d'acquisition, tant celui qui était cacheté, selon l'ordonnance et les statuts, que celui qui était ouvert. Et je donnai le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Maaseja, en présence de Hanaméel, fils de mon oncle, et des témoins qui s'étaient souscrits dans le contrat de l'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui étaient assis dans la cour de la prison. Puis je commandai en leur présence à Baruch, en lui disant, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces contrats-ci, savoir, ce contrat d'acquisition, qui est cacheté, et ce contrat qui est ouvert, et mets-les dans un pot de terre, afin qu'ils puissent se conserver longtemps. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays. Et après que j'eus donné à Baruch, fils de Nerija, le contrat d'acquisition, je fis requête à l'Éternel, en disant, « Ah, ah! Seigneur Éternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu, aucune chose ne te sera difficile. Tu fais miséricorde jusqu'en 1000 générations, et tu rends l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu fort, le grand, le puissant, le nom duquel est l'Éternel des armées, grand en conseil, et abondant en moyens, car tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, et selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait au pays d'Égypte des signes et des miracles, qui sont connus jusqu'à ce jour, et dans Israël, et parmi les hommes, et tu t'es acquis un renom tel qu'il paraît aujourd'hui. Car tu as retiré Israël, ton peuple, du pays d'Égypte, avec des signes et des miracles, et avec une main forte, et avec un bras étendu, et en répandant partout la frayeur. Et tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leur père de leur donner, qui est un pays découlant de lait et de miel. Et ils y sont entrés et l'ont possédé, mais ils n'ont point obéi à ta voix, et n'ont point marché en ta loi, et n'ont pas fait toutes les choses que tu leur avais commandé de faire, c'est pourquoi tu as fait que tout ce mal-ci les a rencontrés. Voilà, les terrasses sont élevées, on est venu contre la ville pour la prendre, et à cause de l'épée, de la famine et de la mortalité, la ville est livrée en la main des Chaldéens qui combattent contre elle, et ce que tu as dit est arrivé, et voici, tu le vois. Et cependant, Seigneur Éternel, tu m'as dit, achète-toi ce champ à prix d'argent, et prends-en des témoins, quoique la ville soit livrée en la main des Chaldéens. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en disant, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile? C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, Je m'en vais livrer cette ville entre les mains des Chaldéens, et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui la prendra. Et les Chaldéens qui combattent contre cette ville, y entreront, et mettront le feu à cette ville, et la brûleront, avec les maisons sur les toits desquelles on a fait des parfums à Baal, et où l'on a fait des aspersions à d'autres dieux pour mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui déplaît à mes yeux, et les enfants d'Israël ne font, que mériter par les œuvres de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville a été portée à provoquer ma colère et ma fureur, depuis le jour qu'ils l'ont bâtie jusqu'à aujourd'hui, afin que je l'abolisse de devant ma face. À cause de toute la malice des enfants d'Israël, et des enfants de Juda, qu'ils ont commise pour mériter, eux, leurs rois, les principaux d'entre eux, leurs sacrificateurs, et leurs prophètes, les hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, et non le visage, et quand je les ai enseignés, me levant dès le matin et les enseignant, ils n'ont point été obéissants pour recevoir instruction. Mais ils ont mis leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est réclamé, pour la souiller. Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal, qui sont en la vallée du fils d'Hinnom, pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles à Molech, ce que je ne leur avais point commandé, et je n'avais jamais pensé qu'ils fissent cette abomination pour faire pécher Juda. Et maintenant, à cause de cela, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit ainsi touchant cette ville de laquelle vous dites, qu'elle est livrée entre les mains du roi de Babylone, à cause que l'épée, la famine et la mortalité sont en elle. Voici, je m'en vais les rassembler de tous les pays dans lesquels je les aurai dispersés par ma colère et par ma fureur, et par ma grande indignation, et je les ferai retourner en ce lieu-ci, et les y ferai demeurer en sûreté. Et ils me seront pour peuple, et je leur serai pour Dieu. Et je leur donnerai un même cœur, et un même chemin, afin qu'ils me craignent à toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir, que je ne me retirerai point d'eux pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne se retirent point de moi. Et je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays si solidement, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi a dit l'Éternel, comme j'ai fait venir tout ce grand mal sur ce peuple, ainsi je m'en vais faire venir sur eux tout le bien que je prononce en leur faveur. Et on achètera des champs dans ce pays, duquel vous dites que ce n'est que désolation, ni ayant ni homme, ni bête, et qui est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera, dis-je, des champs à prix d'argent, et on en écrira les contrats, et on les cachètera, et on en prendra des témoins au pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, tant dans les villes des montagnes que dans les villes de la plaine, et dans les villes du Midi, car je ferai retourner leurs captifs, dit l'Éternel.